Scheiße, so wieder so. Vacances à Zardy, je suis pourri de mandat parti. Je suis Versace pendant la crise. Jonathan H, c'est mon blast artiste. Je te baise en position assise. Suce-moi même si t'as un strabisme. Suce avec ou sans vaseline, ça glisse. L'empereur de la crasserie ou du sadisme et perversion. Charisme et perfection. Sadisme et perversion. Charisme et perfection. Sadisme et perversion. Charisme et perfection. Alcapote et DJ Weedim, t'offres de nouvelles perceptions. Salope, je te la mets tout doucement dans le cul, mais la en veilleuse. Chute, chute. Suce-moi la bite langoureusement en me regardant dans les yeux. Suce, suce. Je m'en vais heureux seulement une fois que je t'ai craché dans les cheveux. Je veux l'argent d'Israël, je veux l'argent des Chinois, je veux l'argent des rebeux. Bouge de la grand, faut que je touche de l'argent, donc je roule de l'avant et refourgue de la blanche. Rentre et ressort ma bite d'une bouche de maman, faut que je fasse vite une autre pouffe m'attend. J'économise rien à foutre de la banque, je connais le goût de la poussière, je connais le goût de la cendre. Y'a pas de doute, Jonathan est bel et bien perdu dans ce putain de tourbillon ou d'ouragan. Des chors, une rafale me touche, je débouche les tuyaux comme Mario et Luigi, je te dévore, ouais, Alka te bouffe. Dans la cuisine avec DJ Weedim, c'est dans l'Essonne que ta femme me trouve. Je décoffe de la cam de ouf. Le trésor de Rakam le rouge. Oui, des gommes, ce bâtard de hnouche. Des traces de coups de fouet dans le dos. Né avec des parents frebots. J'ai consommé tellement de gueux trop. Trop défoncé, et je rentre tôt. Toute la journée dans l'entrepôt. Je suis fatigué, j'ai pas de temps de repos. J'ai le bouclier de Lancelot. Je vais te bousiller, je change de flow. Je change de rime, je change de texte, je change de slip et pas d'équipe. Suceur, tu manges à tous les râteliers, je te vois, t'es pathétique, j'porte des chemises. En soi nacré, tu connais pas ma devise, tu m'envoies navré. Je fume un joint, je suis sur la voie lactée. Je vais aller me tatouer une fois que je dois passer ma soirée avec trois tasses. Le rap, la drogue, l'alcool, je dois me calmer. On enregistre et puis on voit après. Dédicace à Champigny, bois la baie. On fume du putain de chinois cramé. M'en fous que ta mère ou ta sœur soit charmée. M'en fous que ta mère ou ta sœur soit charmée. J'passe mes vacances à Zardy. Je suis pourri de mandat parti. Je suis Versace pendant la crise. Jonathan H, c'est mon blast artiste. Je te baise en position assise. Suce-moi même si t'as un strabisme. Suce avec ou sans vaseline, ça glisse. L'empereur de la crasserie ou du sadisme et perversion. Charisme et perfection. Sadisme et perversion. Charisme et perfection. Sadisme et perversion. Charisme et perfection. Alcapote et DJ Weedim, top de nouvelles perceptions.